take up a permanent residence. Trumpets blow. Bienvenue sur Fun Radio, bon réveil, il est 6h. Et à 6h01 sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble avec une bonne dose de Sun & Floor, signée Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, commence ce flash par une bonne nouvelle côté sport. Peter Stimmers a été véritablement héroïque dans la finale du 100 mètres libre. Le Belge a créé un véritable exploit en ramenant à la Belgique une troisième médaille. Stimmers se classe en effet deuxième et offre à notre nation une belle médaille d'argent. La première dans cette discipline, il avait déjà été héroïque auparavant, puisqu'il était le premier Belge à atteindre la finale sur le 100 mètres libre. libre. Dans le reste de l'actualité, chez nous, deux avions ont dû atterrir en catastrophe à l'aéroport de Toulouse. Un atterrissage forcé suite à deux alertes à la bombe dans ces avions qui devaient rejoindre notre pays. Une alerte confirmée par Belgo Control. Le plan médical d'urgence a été déclenché et les pompiers se sont rendus sur place. Pour le parquet fédéral, la menace était suffisamment grave pour avoir pris de telles mesures. On ne sait pas encore d'où provenaient les avions, même si l'un d'entre eux devait appartenir à Air Arabia Maroc. Une alerte qui n'a heureusement rien donné. À l'étranger, après l'arrestation d'un Syrien en Allemagne, un second islamiste présumé a été arrêté dans la même région. Les deux arrestations sont liées, selon la justice allemande. Les deux hommes ont vraisemblablement séjourné dans le même centre d'accueil. Une information qui n'a pas encore été confirmée par les autorités locales. Ces dernières ont évoqué une possible menace sur le championnat de football allemand. Un bus a été attaqué à Rio mardi soir. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un acte de vandalisme. Les autorités ont écarté l'hypothèse d'une attaque à l'arme à feu. L'attaque impliquait des jets de pierre et non des armes, comme cela avait été dit auparavant. Le bus assurait la liaison entre la zone olympique de Deodoro et le centre de presse du parc olympique. Une petite information insolite pour clôturer ce flash est la famille de Leroy Bill Black qui a pu prendre connaissance de sa double vie sur son avis de décès. C'est une annonce pour le moins étourdissante que la famille et les amis ont du mal à comprendre. Deux messages ont été annoncés sur deux avis de décès différents. Cette double vie aurait été dévoilée car sa femme et sa petite amie n'étaient en aucun cas d'accord sur les dires. Si le défunt emporté par un cancer du poumon comptait garder cela secret, c'est complètement raté. Fun Radio. Dans quelques petites secondes, c'est de Chainsmokers, c'est Daya qui arrive sur Fun Radio. On se fera plaisir avec un petit Peter Lutz et DJ Snake. Juste avant, côté météo, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois pour ce jeudi? Des éclaircies avant le retour de quelques nuages, des températures qui remontent un peu par rapport à hier. Elles atteindront les 13 à 19 degrés. Le son Dance Floor continue avec Jonas Blue sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. We can't explain. Maybe we're helping each other escape. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect. Sky sur Fun Radio, il est 6h07. Dans quelques petites secondes, on se fait plaisir avec DJ Snake et son titre Talk sur Fun Radio. Le temps pour nous, c'était la bienvenue. Comment ça va bien, Coralie, ce matin? Ça va super, et toi? Mais la semaine va très très vite, on est déjà jeudi. Oui, effectivement. Jeudi 11 août 2016, le premier jour pour nous, eh bien, de commencer par... Pas le premier jour, non. Le moment pour nous, de commencer la journée par... Les éphémérides. C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et aujourd'hui, jeudi 11 août, on approche déjà la fin de semaine. Nous sommes le 224e jour de l'année, 32e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Claire, à Suzanne et à Gilbert. À Suzanne, ma maman d'ailleurs, à qui je souhaite une bonne fête. Bonne fête à vous les amis. Et puis les stars sont nées ce jeudi 11 août. Grégoire Ludic est né aujourd'hui, c'est un acteur de Babysitting 1 et 2. Aussi l'anniversaire de Hulk Hogan, c'est un catcheur américain pour ceux qui sont fans un petit peu de la WWE. Et c'est aussi l'anniversaire de Georges Pornou, c'est un journaliste animateur de télévision française. Et puis vous aussi, vous avez envie de fêter votre anniversaire ici à l'antenne ou encore l'anniversaire d'un pote, comment ça se passe pour s'inscrire? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message et je vous recontacte pour qu'on puisse fêter l'anniversaire à la personne de votre choix. Et dans quelques secondes, c'est Peter Lott sur Fun et on démarre avec DJ Snake et Talk. Bienvenue, 6h08. What I became without you. If only you could see me. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. Soyez les bienvenus, il est 6h14 sur Fun et dans quelques petites secondes, c'est le duo de Chainsmokers et Daya Don't Let Me Down qui arrive. Le temps pour nous, Coralie, de vous dire qu'on a un cadeau 2 en 1 à vous offrir toute la semaine. Toute cette semaine, on vous offre votre PC Acer One 10. C'est votre PC convertible que vous pourrez transporter partout, que ce soit pour l'utiliser en tant qu'ordinateur ou encore en tant que tablette. C'est à vous de choisir. Vous pourrez passer du temps dessus, le donner à vos enfants si jamais ils aiment bien utiliser un ordinateur ou alors plus facilement pour eux une tablette. Si jamais vous voulez le remporter, envoyez PC par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Bonne chance, on appelle là en l'une d'entre vous, aux alentours de 9h15. Dans quelques instants, ce sera l'horoscope du jour. Et puis je vous explique mon coup de cœur, mon coup de soleil que j'ai eu il y a quelques jours. Je me suis rappelé d'un coup de chance de malade que j'ai eu lorsque j'étais petit. Ça s'est passé il y a plus ou moins 10 ans. Je m'en suis rappelé cette nuit et franchement, je vais le partager avec vous aujourd'hui. Juste avant, c'est Madden et Golden Light qui arrivent, ainsi que le duo de Chainsmokers et Daya. Et Don't Let Me Down, c'est ce que je vous cale à 6h15 ce matin sur Fun Radio. Bon réveil. Crashing. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. need you right now. So don't let me, down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous écoutez Summer Fun et vous êtes sur Fun Radio. Dans quelques petites secondes, c'est Madden Golden Light qui arrive à 6h19 ce jeudi matin. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Et comme chaque jour, Coralie, tu as consulté les astres pour nous. On commence avec nos amis les Béliers. Vous commencez avec une journée idéale puisque rien ne va mal. Les Taureaux. Il y a de la contrariété dans l'air, jaloux, vexé et même énervé, vous serez... On enchaîne sur les Gémeaux. N'hésitez pas à dire basta à tout ce que vous ne voulez pas. Allez, bata, je m'en fous. Les Cancers. Pas de place pour les hésitations, c'est le moment de résoudre vos problèmes. Les Lions. Accordez plus d'attention à ceux qui en valent vraiment la peine. On enchaîne sur les Vierges. Quand vous le voudrez, vous le pourrez et rien ne pourra vous arrêter. Les Balances, Coralie. Si vous n'allez pas chercher de midi à 14h, vous n'aurez pas à vous plaindre. Les Scorpions. Faites profil bas avec votre partenaire, il ou elle a raison. Les Sagittaires. Une véritable explication sera toujours supérieure à un conflit. Allez, les Capricornes à présent. Vos réactions spontanées seront révélatrices de vos opinions, prenez-les donc en compte. Les Verseaux. L'heure est à la réflexion et non à l'exécution. Et on termine avec les Poissons. Vous êtes conscient de vos atouts de séduction, vous ne savez juste pas encore qui séduire. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Cette nuit, je me suis rappelé d'un coup de chance de malade que j'avais eu étant petit, c'était vraiment très drôle. Je vous l'explique dans quelques instants. Merci beaucoup Coralie pour cet horoscope du jour. Dans un instant, c'est Willy William qui arrive. Juste avant, c'est Madden et Golden Light sans fan, bienvenue. We met a summer night and I held you tight in the golden light, and ever since that time I've been burning bright, fire deep inside. I just wanna feel your love, I need your love, wake me back to life. Give me one more night and I'll hold you tight in the golden light, in the golden light.

Soyez les bienvenus sur Fun Radio 6h28. Dans quelques instants, c'est Imani et Don't Be So Shy que je vous cale sur Fun. Ainsi que Cheat Codes et Sex. Et ça arrive dans un instant sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Avant ça, il est 6h29, on s'informe en ce jeudi 11 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La reprise du réacteur nucléaire de Tihange a été à nouveau reportée. Le réacteur est à l'arrêt pour révision depuis le 30 avril dernier. Des révisions qui prennent plus de temps que prévu puisque le réacteur aurait dû être remis en service dès le 24 juillet. Il devrait normalement redémarrer ce vendredi de manière progressive. À l'étranger, 8 personnes ont perdu la vie dans de nouvelles attaques au sud-est de la Turquie. Elles sont toutes les deux attribuées au parti des travailleurs du Kurdistan. Ce sont des voitures piégées ayant explosé simultanément qui seraient à l'origine de ces nouvelles attaques sanglantes. 38 personnes auraient également été blessées selon le premier bilan et qui pourraient augmenter. En matinée déjà, des attaques avaient entraîné la mort de 5 soldats. De sérieuses perturbations ont lieu dans les airs et sur les routes des Bouches-du-Rhône. Un important incendie s'est déclaré parcourant déjà 1000 hectares dans la zone de Vitrolles. Cette zone se trouve à proximité immédiate de l'aéroport Marseille-Provence à Marignane. Certains vols commerciaux sont déroutés vers d'autres aéroports afin de laisser le passage libre pour les avions de lutte contre les incendies. Les vols commerciaux au départ de cet aéroport seront soit reportés, voire annulés. En sport, natation toujours avec la natation belge qui n'a pourtant pas toujours été à la fête lors des JO de Rio. Hier, Fanny Lecluse a été une nouvelle fois décevante en 200 mètres brasse. La nageuse belge a fini avec le 17e temps et fut la première éliminée en série. De son côté, Emmanuel Van Luchen a lui aussi été sorti en série du 200 mètres 4 nages. Le Belge a réalisé une mauvaise performance qui le classe avec le 23e temps sur 27. Bonne nouvelle néanmoins, Peter Timmers a remporté la médaille d'argent sur le 100 mètres nage libre. Une petite information insolite pour clôturer ce flash et Joshua qui a eu la vie sauve grâce à sa voiture, l'homme victime d'une embolie pulmonaire alors qu'il était au volant de sa voiture. L'avocat a eu l'idée qui pouvait le sauver. Pour lui, impossible de poursuivre sa route pour rejoindre les urgences. Joshua a alors laissé l'autopilote de la voiture Tesla le conduire à l'hôpital le plus proche. L'autopilote a donc sauvé la vie de l'homme de 35 ans qu'il a tout de même échappé de peu selon les médecins. Un petit souvenir côté son dance floor, c'est Avicii et Waiting for Love. On sera également en petite cheat code et sexe juste avant côté météo. Est-ce que le temps sera au plaisir aujourd'hui, Florence? Au début de journée, oui, avec des éclaircies, mais le retour des nuages se fera progressivement dans la journée. Des températures qui remontent néanmoins un petit peu pour atteindre les 13 à 19 degrés. Summer Fun continue avec le son dance floor d'Imani. Fun Radio. Fun. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. Take a breath, rest your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. just race so much faster. I dunk myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. h 35 sur Fun Radio, on se réveille ensemble avec donc quelques secondes de Cheat Code et Sex. Et c'est ce que je vous balance dans un instant sur Fun. Le temps pour nous, Coralie, eh bien, de parler des coups de chance. Je me suis rappelé cette nuit un truc waouh qui m'était arrivé lorsque j'étais petit. Je me rappelle, j'étais en vacances. Et puis, bah, tu vois, en vacances, t'as toujours plein de gens qui passent en short, ouais, avec des lunettes de soleil, tranquillou sur le côté. Mm-hmm. Et puis, un jour, quand j'étais petit, j'étais méga fan de Coldplay. Et un jour, je me promène sur la digue, voilà, pour aller à la plage. J'avance. Et puis, tout d'un coup, qui je croise en France là-bas? Le non. groupe Coldplay, je te jure, sur ma vie que c'était ça. Et oui, quand j'étais méga fan, évidemment, c'est génial de voir les people incognito comme ça dans la rue. Et je me rappelle, comme c'était hier, ils sont là, bonjour, machin, photo, grand sourire. Le mec, faut imaginer, j'étais perdu, qu'est-ce qui se passe? Et c'était franchement sympa, c'était mon coup de chance du jour. Est-ce que vous avez des coups de chance comme ça, des choses qui vous sont arrivées, qui sont waouh et que vous vous rappellerez toute votre vie? Toi, Coralie, est-ce que tu as quelque chose comme ça qui t'est arrivé une fois? Ouais, j'étais sortie dans une boîte à Bruxelles. Ouais. Et au moment d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes normal et puis je tourne la tête, je regarde à terre et en fait je vois un billet de 500 euros. Un billet de 500 à terre à côté des toilettes. Tu l'as ramené en bas, je sais, j'imagine. Bien sûr. Avec toi, tu l'as ramené en bas dans ta poche. Oui, exactement. C'est l'idée. C'était le billet tout seul, je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Je le laisse aux toilettes, quelqu'un d'autre le prend ou alors je le prends pour moi? Mon choix a été vite fait quand même. Tu as payé une tournée après au moins? Bien sûr. Vous avez des anecdotes, vous avez des coups de chance qui vous sont arrivés comme ça au niveau, je sais pas, professionnel, au niveau de l'amour, au niveau peut-être de l'argent aussi, comme Coralie. Vous avez trouvé un petit quelque chose par terre comme ça. Dites-le-nous dès maintenant par SMS pour 50 centimes le SMS au 3044, encore via la page Facebook de l'émission. Cheat Code, Chris Crop, texte, c'est ce qui arrive à 6h37 sur Fun. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Sex. want it, you can have it. Talk about sex, baby. Do it in the shower, pussy power. Let's talk about sex, baby. h 44, vous êtes sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Dans quelques secondes, direction l'Espagne avec Enrique Iglesias et son titre Duele el Corazón sur Fun. Et ça arrive juste après ça. Un problème sur la route? Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. Et que se passe-t-il, Florence, ce matin, 6h44 sur nos routes? Pas grand-chose à vous signaler, si ce n'est des ralentissements entre Hythe et Braine-le-Château. Vous perdez tout de même 8 minutes de... temps de parcours. Voilà, c'est ça. Soyez prudents sur la route, vous apercevez un ralentissement, un accident, encore un objet encombrant. Faites-le nous savoir ce matin par SMS au 3044. C'est ça aussi, la Fun Solidarité. C'est de pouvoir tous ensemble prévenir la Fun Family ce matin de tout ce qu'il peut avoir comme problème sur la route. Dans un instant, c'est Black M, le tout nouveau qui arrive sur Fun Radio. On sera plaisir avec Clean Bandit. Et puis juste avant, Enrique Iglesias, Doulel, Corazon, c'est ce qui arrive. À tout de suite. Attends, Jean, je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais. Salut, c'est moi, Hip, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. En ce moment, dans votre hypermarché Carrefour, à l'achat de minimum 100€, vous recevez une réduction de... BAM 10€. Profitez-en vite, cette action est uniquement valable jusqu'à ce samedi. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. This is Fun Radio. Fun Radio. Only station. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Okay. So hard to think about what we could have been. Where life could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean. Salt water. Yeah. I couldn't make it any more harder. That's why I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. C'est du son dance floor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar.

Juste avant ça, il est 6h59 sur Fun Radio. On s'informe en ce jeudi 11 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Le nombre d'immatriculations de poids lourds a nettement augmenté sur les 7 premiers mois de l'année. En avril dernier, les routiers montraient leur mécontentement en bloquant une partie du réseau belge pour protester contre la nouvelle taxe kilométrique. Les immatriculations de poids lourds auraient augmenté de 18%. Les ventes auraient-elles augmenté de 10% par rapport à 2015, une taxe qui pénalise les vieux camions plus polluants. À l'étranger, un colis suspect a été découvert dans une gare française. Le parc Disneyland Paris a dû être évacué en partie suite à cette alerte. Les témoins sur place ont affirmé la présence d'un grand nombre de forces de l'ordre. Le parc est néanmoins resté ouvert. Quant à la gare de Marne-la-Vallée, elle a été entièrement bouclée par les autorités. Il s'agissait là aussi d'une fausse alerte. Un individu a été arrêté par la police canadienne hier. Des informations concernant une possible menace terroriste sont à la base de cette interpellation. L'enquête est toujours en cours à l'heure actuelle. Cette arrestation a été décidée afin que ces informations ne mettent en aucun cas la population en danger. L'individu serait lié au groupe État islamiste et aurait voulu déclencher un engin explosif dans un endroit fréquenté par de nombreuses personnes. Le Canada, qui comme le reste du monde, doit faire face à de sérieuses menaces terroristes. En sport, le Belge Sepp van Olsbeek s'est arrêté au stade des huitièmes de finale dans le tournoi olympique du sabre. Il n'a pourtant pas démérité face au sixième mondial à qui il a donné du fil à retordre. Le Belge s'est incliné sur le score de 13-15 dans une manche très serrée. Une belle performance pour notre escrimeur, le premier à représenter nos couleurs au JO depuis plus de 12 ans. Une petite information insolite pour clôturer ce flash et ce bus qui a tenté de faire un saut de l'ange dans l'ouest, dans le sud-est de la Chine. Un saut, on peut le dire, réussi. Le bus a tout de même fini sur un chantier 6 mètres plus bas. L'engin s'est encastré dans les piliers d'un immeuble en construction. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le bus était vide et le chauffeur en train d'inspecter son bus en bord de route. Lorsque ce dernier a basculé, personne ne se trouvait sur le chantier au moment de l'incident. Fun Radio. Dans quelques petites secondes, c'est les Daft Punk et Pharrell Williams qui arrivent. On aura aussi Unique et Mercy. Juste avant, côté météo, Florence, que se passe-t-il? Quelques éclaircies avant le retour des nuages dans la journée. Des températures qui remontent un peu pour atteindre les 13 à 19 degrés. On poursuit avec le son dance floor du DJ Martin Solveig sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Tous les matins, c'est Summer Fun. Avec Anto sur Fun Radio. sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Unique, Mercy, c'est ce que je vous cale côté son dance floor dans un instant. Le temps pour nous de se souhaiter la bienvenue. Comment ça va bien ce matin, Coralie? Ça va super, et toi? Mais écoute, génial, on termine la semaine ensemble, comme on l'a démarré d'ailleurs. Et puis comme chaque heure, comme chaque début de journée, on fait un tour du côté de l'éphémérie dans ce jeudi 11 août 2016. Nous sommes le 224e jour de l'année et fin de la 32e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui à Claire, à Suzanne et à Gilbert. Bonne fête à ma maman d'ailleurs qui s'appelle Suzanne, et bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nés ce 11 août. Grégoire Ludic est né aujourd'hui, c'est un acteur de Babysitting 1 et 2, ainsi que Hulk Hogan, c'est un catcheur américain, donc pour les fans de WWE. Sinon, c'est l'anniversaire de Georges Pernoux, qui est un journaliste animateur de télévision française. Et tous les trois nous écoutent ce matin, on leur souhaite un bon anniversaire. Coralie, on connaît Fabien Fesch, évidemment, il vient nous rendre une petite visite tous les matins. Et ici, on va s'écouter l'extrait de 7h40, un petit extrait. On parle de langues. Est-ce que tu sais parler des langues? Petit peu anglais vite fait, néerlandais vite fait aussi. Bah voilà, moi c'est très très vite fait, surtout l'anglais. Et bien aujourd'hui, Fabien Fesch, il va s'intéresser à Monsieur l'anglais. Écoutez. Allô? Hello, je suis bien chez Thierry Langlais? Oui, c'est ça. C'est Fabien Feyesh, appareil. This is Fabien Feyesh, to the téléphone. Dans un instant, on aura également un club buzz plutôt original. C'est un Chinois qui apprend qu'il est mort. Vous allez voir, on en parle dans quelques instants. Côté son dance floor, c'est Face Afrojack qui arrive. On aura aussi Justin Timberlake, les Daft Punk et Pharrell Williams avec Get Lucky. C'est Magali qui l'a choisi par SMS au 3044. Car oui, vous pouvez faire partager votre coup de cœur du moment à toute la Belgique ce matin en vous inscrivant par SMS au 3044 pour 50 centimes. Le SMS, voici Unique et Mercy sur Fun. Welcome! J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches mais que tu m'imagines. Et je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je vois des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Party. All of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui se casse sous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non personne ne m'a. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Oh la la, mercy, mercy, mercy. Money them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fun Radio, Fun Radio, they song, yeah. Dance floor. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. to some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Qu'est-ce que ça donne le sourire ce titre? Soyez les bienvenus sur Fun, il est 7h12 et on démarre la journée de ce jeudi 11 août ensemble sur Fun Radio. Avec dans quelques secondes Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling côté son dance floor. Et c'est ce qui arrive juste après ça. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et aujourd'hui, Coralie, un Club Buzz qui nous vient tout droit de Twitter avec une info plutôt complètement insolite. On va parler d'un Chinois qui va apprendre en fait qu'il est entre guillemets mort depuis 10 ans. Il est mort. Exactement, et on va parler de Monsieur Chen qui a souhaité en fait simplement recevoir un extrait de son casier judiciaire vierge pour pouvoir poser sa candidature pour un emploi. Donc et logique jusque-là. Ouais, jusque-là c'est logique, il va faire sa demande à la police. Et lorsqu'il fait sa demande, la police lui refuse en fait parce qu'on lui dit oui, vous avez commis un crime d'enlèvement et qu'il a été condamné à mort et qu'il avait été exécuté en fait. Alors l'histoire, c'est un peu compliqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'il porte le même nom et le même numéro de carte d'identité qu'un condamné à mort justement. Et du coup, c'était une erreur depuis, je suppose, la commune. Je sais pas si on appelle ça la commune en Chine, mais en Belgique, c'est la commune. Qui a donc attribué le même numéro de carte d'identité à lui qu'à la personne qui a été exécutée. Du coup, après quelques coups de téléphone, il a évidemment pu récupérer cet extrait de son casier judiciaire. Mais en attendant, voilà, c'était une histoire un peu drôle qui lui arrivait. Tu m'étonnes du téléphone et puis on dit ah bah non monsieur, vous êtes mort, désolé. C'est plutôt original. C'est pas très cool quand on prend ça. On vous publie dès maintenant l'extrait sur la page Facebook de l'émission Summer Fun que vous pouvez liker et partager évidemment. Et puis dans un instant, c'est Face et Afrojack avec Hey que je vous cale sur Fun. On va également jouer au Battle Fun. Il y aura du cadeau pour vous pour partir à la petite merveille ce matin. Juste avant, c'est Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling qui arrive sur Fun Radio à 7h14. Soyez les bienvenus. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just carrots and my blood is rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Sur Fun Radio, j'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. On se réveille ensemble jusqu'à 9h dans Summer Fun avec dans quelques petites secondes Face et Afrojack. Hey, c'est ce qui arrive. Et on a du cadeau à vous offrir, Coral, aujourd'hui. On vous envoie du côté de la petite merveille. On va jouer au Battle Fun et pour gagner vos entrées pour la petite merveille, il vous suffit de découvrir la chanson que notre stagiaire Ethan a modifiée. Pour ça, vous devez juste envoyer le titre ou l'artiste par SMS au 3044, c'est 50 centimes le message. Et puis la petite merveille, on peut le rappeler, c'est le nouveau Durbuy Aventure. Effectivement, écoutez, c'est l'extrait du jour. Un petit indice, c'est un DJ français qui vient du sud de la France, qui cartonne pour le moment, on réécoute. Vous reconnaissez l'artiste, vous reconnaissez le titre du tube, vous envoyez dès maintenant votre réponse par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Bonne chance. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oksun DJ Party Fun. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis sinon ce soir. Non, je peux pas, je suis pris. Ah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dois liker toutes les photos de belle-maman pour me faire bien voir, prendre des photos des plats que j'ai ratés, leur appliquer un fil pour qu'ils aient l'air trop appétissants, changer ma photo de profil, la rechanger, la re-rechanger pour revenir à ma première photo, chanter sur des films de karaoké que je trouve sur YouTube, me filmer, les poster, aussi envoyer un mail à ma tante qui est restée au bled pour lui demander quand c'est qu'elle revient parce que j'aime trop son couscous. Ah, ok. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger? Non. Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming pour ses abonnés jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Et maintenant, la météo. À partir de demain et jusqu'au 15 août, journée rafraîchissante en perspective. Deux packs d'un litre et demi de Coca-Cola ou Coca-Cola Zéro, plus un pack gratuit. Conditions dans les magasins participants. Comment bien acheter quand on voit la vie en rose? Alors on aime forcément le rosé. Chez Deleuze, jusqu'au 24 août, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Deleuze, bien

Fun Radio. This is Fun Radio. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, baby. Mon sourire, je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après le bonheur, tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi, je le ferai venir. Si toi et moi fonds-nous, on fera des jaloux. Mais je suis prêt à prendre le risque, tant notre amour est plus fort que tout. Yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te faut. Mais surtout, n'hésite pas. Laisse-la prendre la première place. Dis-lui, je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner la page. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première place, oh baby. Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras tourner là-bas. Je ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses la première. h 29 sur Fun Radio, merci d'être avec nous dans quelques petites secondes. On va se plonger dans le sable, les doigts de pied en éventail avec Mom et Aloha sur Fun Radio. Le temps pour nous de rappeler le Battle Fun du jour, Coralie, pour partir à la Petite Merveille. La Petite Merveille, donc anciennement appelée le Parc Turbo Aventure, vous pourrez faire de l'acrobranche, des sauts, du kayak, profiter d'une balade à vélo, d'une chasse au trésor ou encore d'une plaine de jeu pour les plus jeunes. Si vous souhaitez remporter votre entrée, vous pouvez envoyer la bonne réponse à la chanson qu'on va vous passer dans quelques instants, qui a été modifiée par SMS au 3044. C'est 50 centimes le message. Écoutez, c'est l'extrait du jour. Un indice, il est DJ, il vient du sud de la France, il a 19 ans. Pardon, et il a fait la première partie de David Guetta sur sa tournée. On réécoute une dernière fois. Elle est gentille, la première lettre de son nom commence par un K. La première lettre est un K. Là, on a carrément donné la réponse, on réécoute une dernière fois et puis on appelle là en l'une d'entre vous dans moins de 10 minutes. Qui interprète ce titre? Quel est le titre de ce tube? Dites-le-nous dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Bonne chance! Il est 7h30 sur Fun Radio. Comme toutes les demi-heures, on s'informe avec Françoise Vanlo. Il fallait que je le fasse. Florence Vanlo, comment ça va Florence ce matin? Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La jeune Bulgare qui avait disparu mardi à la station de métro Porte de Namur à Ixelles a été retrouvée. Un avis de recherche avait été lancé afin de retrouver la jeune fille. Elle a été retrouvée hier en bonne santé, selon la police fédérale. Dans l'après-midi, un appel à témoins avait été lancé par le parquet de Bruxelles en collaboration avec Chai Focus afin de retrouver la jeune fille. C'est désormais chose faite. À l'étranger, le choléra continue de faire des ravages en Centrafrique. Selon le ministre de la Santé, l'épidémie a fait au moins 10 morts ces derniers jours. 19 cas auraient été enregistrés dans une région du pays depuis le début du mois d'août. La ministre a assuré que toutes les dispositions avaient été prises pour endiguer l'épidémie. Elle a invité la population à respecter les mesures d'hygiène de base. Le pays est à nouveau touché par des problèmes après s'être relevé du conflit intercommunautaire qu'il avait ravagé entre 2013 et 2015. Un nouveau mouvement de grève aura lieu dans la journée de ce jeudi chez les pilotes néerlandais et EasyJet. Depuis le mois de juillet, il s'agit du troisième arrêt de travail. Les pilotes réclament une meilleure convention collective, des temps de repos plus longs entre les vols ainsi qu'une pension revalorisée. La compagnie entend néanmoins assurer la moitié de ses vols, mais un certain nombre de routes devra être annulé. En sport, le Belge Robin Ramakers n'a pas fait le poids face au 30e mondial. Rodriguez, avec une précision diabolique, a été trop fort pour notre représentant en tir à l'arc. Le Belge, qui n'a malgré tout pas démérité en étant sorti en 16e de finale par 2-0. Il participait pour la première fois à des Jeux Olympiques et il avait sorti en 32e de finale, le champion du monde en salle. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Après 63 ans d'amour, de joie et de partage, rien n'a pu séparer les deux tourtereaux. Le couple est décédé à seulement 20 minutes d'intervalle. La dame est décédée des suites de la maladie d'Alzheimer, alors que son mari est lui décédé des suites d'un cancer de la prostate. Une belle histoire pour ce couple qui ne se sera donc jamais quitté. Comme quoi, parfois, même la mort ne parvient pas à séparer un couple qui s'aime. Fun Radio. Dans un instant, sur Fun Radio, c'est le meilleur de son dance floor qui arrive. Juste avant, côté météo, Florence, que se passe-t-il? Des éclaircies avant le retour des nuages, des températures qui remontent quelque peu pour atteindre les 13 à 19 degrés. Le son dance floor continue dans Summer Fun avec Moom. Fun. Fun Radio. Summer Fun. Since I've had these grooves, cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. The unknown. Something more. bonnes vacances. Sur Fun Radio. Hey, Jackson. Yeah. Let's jump. This one right here. All right. Yeah. Oh, I've been thinking about you and how we used to be it. Back when it didn't have to end, we can start again. There's nothing left to say, to waste another day. Just you and me tonight, everything'll be okay. If it's alright with you, then it's alright with me. Baby, let's take this time. Sur la route du boulot, vous êtes sur la route des vacances, vous écoutez Fun Radio et tout se passe bien. Cashmere Wildcard, c'est ce que je vous cale dans un instant. Le temps pour nous d'appeler Caroline, qui est la gagnante de jour, qu'elle a reconnu l'extrait Battle Fun. On va le réécouter. C'était l'extrait qu'il fallait retrouver aujourd'hui. Et Caroline est avec nous par téléphone, elle a 32 ans, elle habite Verviers. Salut Caro. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va très bien avec vous. Bah écoute, très très bien, merci, merci de nous écouter ce matin. Est-ce que tu as retrouvé la bonne réponse? Qui interprète ce titre? Oui, c'est Kungs. Kungs, bonne réponse. Avec son titre Tease Girl, Kungs qui a fait la première partie de David Guetta sur sa dernière tournée. On t'envoie du cadeau à la maison. On t'envoie ta place pour la petite merveille, donc tu pourras y aller profiter, passer une journée là-bas, profiter du parc de l'Acrobranche, faire un saut ou alors faire ce qui te plaît en fait. Super, je te fais des bisous, Caroline. À très bientôt. Bonne journée à toi. Bisous. Vous avez envie de fêter l'anniversaire d'un proche? Vous avez envie de le faire ici sur Fun Radio? Comment ça se passe? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Par Panoramix, participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Gagne des places au parc Astérix pour toute la famille grâce à notre jeu concours sur le site internet et collectionne les cartes dans les supermarchés Matchis Match, Louis Delhaize et les hypermarchés Cora. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Chérie, t'as mis le réveil? Oui, 4h du matin. Oh, génial. Bonne nuit. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci materne. Au rayon frais de votre supermarché. La radio de vos vacances. This is your station. C'est Fun. Fun Radio. C'est ça. Le son dance floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a ride. Vous réveillez avec Fun Radio, il est 7h45. Avec Jarmis, Sweet Afterglow, c'est ce que je vous réserve dans quelques petits instants sur Fun. Le temps pour nous souhaiter l'anniversaire de jour. On va appeler Fabrice aujourd'hui qui fête ses 46 ans. Il va être avec nous par téléphone dans un instant. Le temps de l'appeler pour lui souhaiter justement un bon anniversaire en direct. Si ça sonne. Si ça veut bien. Ça veut bien, c'est le plaisir de dire. C'est jeudi matin. Fabrice qui fête ses 46 ans aujourd'hui.

fell so far. Hey, I know I'm checking up on myself. I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. So far. Hey, I know I'm checking up on myself. I can find a way to hide all the dreams I feel so far away. Au bord de la plage, branchez sur Fun Radio. Quand vous écoutez Fun Radio, vous êtes en vacances. En vacances. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Call it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging. Chasing our crazy dreams. Hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Give me the thing, I'll make me rockin' at the dance. Give me the thing, I'll make me light it up. Anthony Grosso. Nouveau tube Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Think about love, think about hate, think about getting fame, why I'm always late. Think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe, spent it on a car with a cool, cool stereo, and I'm sitting in traffic, wishing it would move. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. Like a kid again, total utter bliss. Total utter bliss. Think about my holidays, think golden rays, think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and a place where we met, swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors, think about sex, think about your body, how it moved in that dress. Think about your touch, think about your kiss. Feeling like a kid again, total utter bliss. Total utter bliss. Total utter bliss. Total utter bliss. Total utter bliss. A kid again, total utter bliss. Le cadeau exceptionnel qu'on vous offre toute la semaine, Coralie. Votre PC Acer One Disc que vous pourrez remporter aujourd'hui et juste encore toute la fin de la semaine. Pour le remporter, envoyez PC par SMS au 6322, 1€ par message. Bonne chance. Fun Radio. Il est 8h sur Fun Radio, debout tout le monde. On s'informe en ce jeudi 11 août 2016 avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. 301 dossiers de pénalités et de majorations fiscales ont été délivrés l'année dernière. Les personnes concernées ont bénéficié d'un droit de grâce accordé par le ministre des Finances. C'est la première fois depuis 6 ans qu'il y a autant de requêtes en annulation. 78% des 386 demandes ont été acceptées par le ministre des Finances. Dans 2 cas sur 3, les amendes et accroissements d'impôts ont été annulé. Plus de la moitié des demandes provenaient de Wallonie. À l'étranger, ce jeudi, le directeur général de Volkswagen en Corée a présenté ses excuses aux magistrats. Ces derniers enquêtent toujours sur la retentissante fraude des moteurs truqués dont est accusé le groupe. Le directeur général était convoqué pour une audition dans le bureau du procureur du district de Séoul Centre. La semaine dernière, Séoul a suspendu la vente de 80 modèles de la marque en raison des problèmes d'homologation. Les forces de l'ordre ont abattu un jeune homme de 14 ans à Los Angeles. Les forces de l'ordre auraient été visées par des tirs provenant du jeune homme. L'adolescent a été tué sur le coup. Le chef adjoint de la police a expliqué que des agents étaient intervenus à la suite d'informations sur des actes de vandalisme et des inscriptions de gangs réalisées par des adolescents de 14 à 16 ans. Le jeune homme a tenté de fuir avant d'être touché par des tirs de la police. En sport, l'américaine Christine Armstrong a remporté hier le contre-la-montre individuelle. Pour la troisième fois consécutive, elle a devancé la Slovène Olga Zabeldinskaya et la Hollandaise Anna van der Breggen. Les Belges se classent 21 et 23e chez les hommes. Le Suisse futur retraité Fabien Cancellara a écrasé la concurrence. Il devance le Néerlandais Tom Dumoulin et le Britannique Chris Froome, vainqueur du dernier Tour de France. Côté belge, grosse déception pour le Belge Tim Wellens qui termine à une très mauvaise 20e place. Une petite information insolite pour clôturer ce flash et les habitants d'une petite ville de Pologne qui ont eu la peur de leur vie. Un planeur s'est violemment écrasé dans le toit d'une habitation. Le pilote revenait d'une compétition en Lituanie lors de l'incident. L'homme tentait de se poser en urgence. Par miracle, ni les habitants ni le pilote n'ont été blessés. Au final, les uniques victimes sont le planeur et le toit quelque peu endommagé. Fun Radio. Dans un instant, côté Sun and Floor, c'est le duo belge Dimitri Vegas et Like Mike. On se fera plaisir avec Boosty et Feel Alone. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette journée de jeudi, Florence? Des éclaircies avant le retour de quelques nuages, des températures qui remontent. Elles atteindront les 13 à 19 degrés dans l'ensemble du pays. Summer Fun continue avec le Sun and Floor des Rice Treffy sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Summer Fun, c'est du son dance floor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Why I'm out to earth. No sé dónde. Dónde. Se me voy por ti. Bon réveil sur Fun Radio, merci d'être avec nous. Dimitri Vegas, Like Mike, Stay Wild, c'est ce que je vous balance dans un instant. Le temps pour nous de faire un tour du côté de l'éphéméride du jour. Nous sommes le jeudi 11 août 2016, 32e semaine de l'année. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui aux Claire, Suzanne et Gilberte. Bonne fête à vous les amis. Et puis les anniversaires des stars sont nés ce jeudi 11 août. Grégoire Ledé qui est un acteur du film Babysitting 1 et 2. On peut lui souhaiter un bon anniversaire. On a également Hulk Hogan qui est un catcheur américain pour tous ceux qui aiment évidemment ce genre d'émission. Et puis Georges Pernoud qui est journaliste et animateur télé français. On peut également nous ce matin lui souhaiter un bon anniversaire. Et vous, vous avez un anniversaire à faire passer aujourd'hui? aujourd'hui, demain, après-demain, pendant l'été. Vous avez envie de faire plaisir à un de vos potes. Comment ça se passe pour s'inscrire? Vous envoyez Anif dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le CMS. Et puis dans un instant, c'est Samy qui va arriver. Il va nous parler des bons plans de l'été. Comment reprendre un rythme normal pendant les vacances? Car oui, c'est vrai, on est un peu déréglé. Et bien, il nous en parle dans un instant. On va également parler magie avec Andrea. Le tout, c'est juste après Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun. Bon réveil, il est 8h07. When these stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance. Please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Merci de vous réveiller sur Fun Radio, il est 8h10, vous écoutez Summer Fun et on est en direct jusqu'à 9h avec dans quelques secondes Boosty et Feel Alone côté Stand Dance Floor. Et c'est ce qui arrive dans un instant, le temps pour nous d'accueillir Andrea qui est un jeune auditeur qui est venu nous faire un petit coucou ce matin. Comment ça va Andrea? Ça va bien et vous? Mais écoute, très très bien, tu habites du côté de Liège c'est ça? De Verviers et tu es venu ce matin nous parler avec nous de magie parce que tu es un fan de magie. Comment ça t'est venu cette passion? Depuis que je suis tout petit, quand je voyais des tours de magie à la TV, je voulais apprendre comme eux. Au final, j'ai fait des commandes. Voilà où je Et t'as appris tout seul via internet, via, je sais pas, des boîtes de jeux, peut-être des DVD? Mes livres de magie qu'on m'a fait les commandes. Et c'est là que j'ai appris tous mes tours. C'est super important quand il y a la magie en plus. Ça peut être un des coups de chance de la vie vu que c'est le thème de l'émission. Ah oui, c'est sûr. Mais t'as commencé à faire ça à quel âge? Vers mes 14 ans. Vers tes 14 ans, ah oui, quand même, ça va. Et tu as une page Facebook sur laquelle tu fais plein de petites vidéos et tu les postes en ligne, puisque le but, j'imagine, c'est d'être connu après pour pouvoir vivre de ta passion, peut-être Si je peux y vivre, ce serait bien, mais. Une page Facebook, comment tu t'appelles sur Facebook? Est-ce que tu as un nom de magicien? Andrea the Magicienne. J'ai fait des tours.

Le temps pour nous de continuer à parler magie et coup de chance ce matin, puisqu'Andrea est un de nos auditeurs verviétois, c'est comme ça qu'on dit ? C'est bien ça. Les habitants de Verviers. Et tu es venu ce matin nous faire un petit tour de magie, comme ça c'est pas très radiophonique, on va essayer de le décrire au maximum. Comment ça se passe ton petit tour ? Bah, je vais vous faire choisir une carte ici maintenant. Et la carte que vous allez prendre, bah, elle sera écrite sur la feuille que Coralie a prise. D'accord. Je peux en choisir une comme ça au hasard ? Vous me dites stop quoi vous voulez. Ok. Donc là, il est en train de faire bouger toutes les cartes et j'en choisis une. On va quand même préciser. Donc j'ai la feuille avec la carte. Donc j'ai ouvert la feuille, j'ai lu la carte que tu allais devoir normalement avoir dans la main. D'accord. Donc voilà, je vais confirmer après pour voir si c'est bien correct. Est-ce que c'est comme les horoscopes ? Est-ce que c'est super précis ? On va regarder. Allons-y. Dis-moi stop quand tu veux. Ok. Stop. Prends la carte. Je prends une carte. Je peux la montrer à personne ? Je la regarde que moi. Est-ce que vous voyez la carte ? Ouais. Mm-hmm. Bouge tes oreilles, je le dirai bien aux auditeurs. C'est quelle carte ? C'est un pic noir, comme ça vous savez. Après cette carte. Maintenant, je vais demander à Coralie de lire la prédiction que j'ai écrite sur la feuille. Est-ce que... Alors, il a noté, vous allez prendre le valet de pique. Ah purée, c'est ça. Le valet de pique noir. Vous voyez, est-ce que vous êtes témoin ? Est-ce que vous voyez que c'est ça ? Je montre quand même la feuille. Valet de pique noir, ouais, il a raison. Eh bien, en tout cas, c'était le tour d'Andrea. Vous allez pouvoir vous aussi suivre ce nouveau talent qui vient de Verviers, qui fait des tours de magie plutôt sympa. On va vous faire une vidéo qu'on va vous poster de cet après-midi sur la page Facebook de l'émission. Il s'appelle... Andrea de Magicienne sur c'est Facebook. Et c'est à retrouver dès maintenant sur la nôtre, sur la page Summerfun. Merci d'être avec nous, Andrea. Merci, vous les amis, de nous écouter ce matin. Dans quelques petites secondes, c'est Amir et J'ai cherché qui arrive. On aura également David Vendetta. On se souvient évidemment de David Vendetta qui a cartonné. Unidos para la musica, c'est ce que je vous cale. 8h18, bon réveil. Merci d'écouter Summerfun. Nous sommes en direct jusqu'à 9h avec vous partout en Belgique. Soyez les bienvenus.

de psychomotricien. À l'étranger, de sérieuses perturbations ont eu lieu dans les airs et sur les routes des Bouches-du-Rhône. Un important incendie s'est déclaré parcourant déjà 1000 hectares dans la zone de Vitrolles. Cette zone se trouve à proximité immédiate de l'aéroport Marseille-Provence à Marignane. Certains vols commerciaux sont déroutés vers d'autres aéroports afin de laisser passer les avions de lutte contre les incendies. Les vols commerciaux au départ de cet aéroport seront soit reportés, voire annulés. En sport, le match de notre compatriote David Goffin a été reporté à aujourd'hui à cause de la pluie qui s'est abattue sur Rio hier. David Goffin rencontrera Bellucci en soirée. Le Belge devrait pouvoir atteindre les quarts de finale sans trop de problèmes. Il se rapproche aussi d'un duel au sommet avec l'ancien numéro 1 mondial Raphaël Nadal. Il est le seul Belge encore engagé en tennis après les éliminations de Kirsten Flipkens et Janina Wickmeyer. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Tous les rêves peuvent se réaliser. Pour preuve, une Américaine tenait à ce que son père fasse partie de son mariage. L'homme décédé des suites d'une fusillade après un vol ne pouvait participer à l'événement. L'Américaine a alors eu l'idée d'appeler l'homme qui porte le cœur de son papa. C'est au bras du receveur d'organes que l'Américaine a fait son entrée devant l'hôtel de ville. Une invitation qui ne pouvait être déclinée. Dans un instant, sur Fun Radio, c'est le duo Willy William et Chris Cap qui arrive. On va également se faire plaisir avec Drake et One Dance. Et juste avant, Florence, côté météo, que se passe-t-il aujourd'hui? Des éclaircies avant le retour de quelques nuages, des températures qui remontent petit à petit pour atteindre les 13 à 19 degrés dans toutes les régions du pays. On poursuit avec le son Dance Floor du duo Calvin Harris et Rihanna dans Summer Fun. Fun Radio. Fun. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. vous êtes sur Fun Radio, il est 8h37. Willy William, Chris Cab, c'est ce qui arrive dans un instant avec leur titre Paris. Juste avant, avec toi Samy, on parle des bons plans de l'été et aujourd'hui, tu as des conseils pour nous parce que la rentrée approche. Exactement, c'est bientôt la rentrée et comme je vous connais par cœur autour de la table, je sais que vous savez faire la fête comme jamais, n'est-ce Évidemment, pas Évidemment, surtout Coralie. Ça s'enfile des vodka pommes jusqu'à pas d'heure, hein, n'est-ce pas Coralie? Et ça travaille le lendemain. Comment tu sais? Elle dort pas entre les deux, il faut dire la vérité. Elle et ça ramène les inconnus dans son lit aussi. On s'en dira pas. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour retrouver votre rythme de sommeil pour ne pas ressembler à des ombres à la rentrée. Et surtout pour nous ici où tous les matins on se lève à 4h45 alors perso d'habitude j'ai l'habitude de me lever à 7h05 pour partir 7h05 pas 7h 7h05 mais c'est par bonne conscience 7h05 puis je me lève à 7h30 et j'arrive en cours à 7h55 pas bien comme ça vous savez tout. Alors première chose à savoir quand évidemment on veut faire tout ça c'est reprendre un rythme normal. Exactement et ça ne se fait pas en un jour. Pour ne pas se sentir fatigué il faut plusieurs jours, donc pour reprendre un rythme normal on conseille environ d'aller se coucher une demi-heure plus tôt chaque soir. Alors petit calcul, il y a une heure de prédilection peut-être 22h? Ouais, par exemple 22h, 22h30. Alors si je vais dormir à 1h pendant l'été et que j'ai envie d'aller dormir à 10h30, il me faut combien de jours pour récupérer Antoine? Il faut donc une demi-heure plutôt par jour. Et là on perd il faut une semaine, un peu moins d'une semaine. Il faut 5 jours, il fallait compter les jours. C'est bon. Voilà, écoute, on va dire que c'est une bonne réponse. Merci. Alors, sinon, la veille du premier jour de travail, il faut absolument dormir suffisamment. Et pour ceux qui sont stressés ou qui ont du mal à se coucher tôt, n'hésitez pas à faire de l'exercice physique pendant la journée, histoire d'être bien crevé le soir. Et puis on n'y pense pas souvent, mais la nourriture, ça doit aussi jouer peut-être. Oui, souvent quand le sommeil est décalé, les repas aussi sont décalés. Donc la veille de la rentrée, on essaye de manger aux heures normales et équilibré en passant, ça vous fera pas de mal. C'est dingue, j'ai l'impression d'être votre mère à vous donner des conseils. C'est pratiquement ça en tout cas. Merci à toi d'être avec nous ce matin. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Sur Fun Radio, merci d'être avec nous. Allez, on se fait plaisir. Drake, One Dance, c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Et c'est juste après ça. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et Coralie, tu as préparé pour nous un petit récap de tout ce qu'il y a de sympa à faire aujourd'hui à Bruxelles et en Wallonie. Et on part du côté de Mons avec le Monsmartre. Exactement, les artistes envahissent les rues du centre-ville de Mons, donc c'est le quartier commerçant. On va inviter les artistes régionaux de toutes disciplines de toutes disciplines confondues à participer à la deuxième édition de Monsmartre avec cette année un focus spécial en plus sur les street artistes, donc les artistes de rue, sur les graphistes, etc. Donc au programme, vous aurez une exposition d'œuvres de 20 artistes régionaux, une exposition sur l'aquarelle, les sculptures, les peintures, la céramique, etc. Dans plus de 70 vitrines de 70 commerces. Et ce qui est bien, c'est comme ça se passe dans le centre-ville, c'est totalement gratuit. Exactement, donc c'est totalement gratuit. Vous pourrez aussi voir des vitrines d'artistes dans les passages du centre ou alors des artistes aussi au travail qui pourront vous montrer comment on fait une œuvre. Un site internet où on peut trouver des infos. www.monscentreville.be. On change complètement d'endroit, on part du côté de Transine avec la nuit des étoiles. Ah, ça c'est mon petit coup de cœur, vous pourrez vous émerveiller par le spectacle qu'offre la plus haute concentration d'étoiles filantes de l'année. Ah bon ? Et profiter de la présence de nombreux clubs d'astronomie. Et oui, parce que c'est pour tout le monde, donc pour les petits et les grands, je vous emmène aujourd'hui à l'Eurospin Center pour observer un des plus beaux ciels de l'année. Donc ce mois-ci, la Terre croise des poussières et des cailloux en provenance de la comète Swift. C'est compliqué à dire. Donc en fait, ceux-ci vont se consumer en pénétrant dans l'atmosphère à plus de 200 000 km/h et ça va remplir le ciel d'étoiles filantes que vous pourrez observer. Et en plus de ça, bien avant le spectacle et toutes les observations, l'Eurospin Center vous propose des activités dès 15h, des ateliers thématiques pour les petits et les grands, des conférences et encore bien plus d'activités. Ouais, parce que de toute façon, à l'Eurospin Center, il y a une multitude de choses à faire. Un site internet peut-être où on peut retrouver justement des infos sur l'Eurospin Center. www.eurospacecenter.be. Merci beaucoup Coralie, vous retrouvez cet agenda dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun. Dans un instant, on a Liam Summer, Drake ou encore Jennifer Lopez qui arrive sur Fun. A tout de suite. Comment bien acheter quand on voit la vie en rose? Alors on aime forcément le rosé. Chez Deleuze, jusqu'au 24 août, à l'achat de 3 bouteilles de rosé de 75 centilitres identiques ou différentes, la quatrième est gratuite. Deleuze, bien acheter, bien manger. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Fun Radio. Fun Radio. Le son de dance floor. Grips on your way. Chains front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much when we go to pray to make it back. I pray, I pray. That's why I dance. Got a Hennessy in my hand. Time for I go. Higher powers taking a hold. I need a one. Got a Hennessy in my hand. I'm on. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength, guys, all that I'm in for men's body makes it mine. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time with you. We no time and that's why I need a one dance. Got a high end. Why go? I'm a hold on me. I need a one dance in my hand. One more I go. I'm a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. écoutez Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Dolly. On démarre la journée ensemble sur Fun Radio, soyez les bienvenus, 8h57. Dans quelques secondes, c'est du 100% belge qui arrive. Lost Frequencies, Beautiful Life, c'est leur tout nouveau tube et c'est ce que je vous cale dans un instant. Juste avant, on part mener l'enquête à Bruxelles avec Guillaume qui est avec nous par téléphone. Il travaille pour eh bien, l'activité Qui veut pister Bruxelles, qui franchement est un succès. On va vous en parler dans quelques secondes. Salut Guillaume, comment ça va ce matin? Salut, ça va bien? Ça va super, merci, ouais. Bah écoute, on va parler avec toi donc de Qui veut pister Bruxelles. C'est un peu notre découverte de la semaine, Coralie. Oui. C'est en gros une activité qui nous permet de mener l'enquête dans Bruxelles, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, c'est un jeu qui mêle un peu l'aventure, quand on mène l'aventure. C'est convivial et puis surtout, ouais, ça fait découvrir, redécouvrir un peu toute la partie historique et touristique de Bruxelles. Wow. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça dans plusieurs villes et plusieurs pays aussi. Oui, exactement. Donc c'est en Belgique, en Suisse et également en France. Il y a actuellement une dizaine de villes qui veulent pister dans ces trois pays. Et alors grosso modo, si on veut expliquer à nos auditeurs comment se passe le principe, le concept, on s'inscrit et après comment ça se passe? Alors là, exactement, on s'inscrit sur le site internet et puis après il y a une personne donc qui t'attend sur place et puis qui va t'expliquer un peu que tu vas devoir résoudre une enquête, retrouver différents indices dans la ville et ensuite connecter tous ces indices récoltés entre eux pour résoudre un scénario. Alors on a trois scénarios à Bruxelles, il y a, oui, par exemple une disparition, il y a une enquête que j'aime plutôt bien, c'est une personne un peu romantique qui a eu plusieurs choses qui ont disparu chez elle et faut découvrir pourquoi, et puis après il y a un crime à résoudre, donc c'est plutôt sympathique, ouais. Et tout ça permet de visiter la ville, j'imagine, donc c'est plutôt sympa pour des visiteurs, ou même pour nous, on va le tester très bientôt pour des gens qui ne connaissent pas spécialement très très bien Bruxelles. Alors ce que je trouvais sympa également, c'est que ça se fait en groupe et que ces groupes se permettent aussi de faire des rencontres. Ouais, exactement. En fait, il y a des personnes qui viennent toutes seules, il y a des personnes qui viennent aussi en duo. Et puis, de toute façon, donc c'est une petite compétition un peu conviviale. Donc, les gens sont compétitions les uns contre les autres. Et puis, souvent après, on boit un verre tous ensemble pour un peu débriefer. Donc, c'est vraiment hyper cool. Ok. Et c'est accessible à partir de quel âge ? Alors, c'est plutôt pour les adultes, mais on a des personnes à partir de 15-16 ans. Parce qu'en fait, c'est comme des romans, si tu veux, il y a des personnages avec des chapitres. Donc il faut quand même bien comprendre, mais c'est plutôt ado-adulte. Et ça a l'air trop bien. Et on peut réserver sur internet, ça se passe uniquement d'ailleurs sur internet. Ouais, exactement, c'est quiveutpisterbruxelles.com. Comme les sessions sont limitées en nombre de participants, tout se passe uniquement sur internet. D'accord, et bien on peut retrouver tout ça donc sur quiveutpisterbruxelles.com. Et nous on partage évidemment toutes les infos sur notre page Facebook. Et d'ailleurs on vous offre des places pour partir tester Qui veut pister Bruxelles. Ça se passe maintenant sur la page Facebook de l'émission. Vous likez le statut, vous likez la page, vous partagez, et puis vous indiquez avec qui vous aimeriez y aller. Et grâce à Guillaume, on vous offre des places pour aller tester cette activité qui est franchement, mais franchement sympa. C'est mon coup de cœur de la semaine. Et nous aussi on a hâte en tout cas d'aller tester. Merci beaucoup Guillaume, à très bientôt. Merci, à bientôt, bonne excellente journée. Journée à toi. Coralie, on appelle là en l'une d'entre vous dans quelques secondes pour repartir avec votre PC tablette 2 en 1. Exactement, vous avez votre PC convertible Acer One 10. Pour ça, vous envoyez PC par SMS au 6322. C'est 1€ par message et on vous tirera au sort dans quelques minutes. Bonne chance. Fun. Fun Radio. Et soyez les bienvenus sur Fun Radio, on démarre la journée ensemble avec un tour du côté de l'actu en ce jeudi 11 août 2016 avec Françoise Vanloo, Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Deux avions ont dû atterrir en catastrophe à l'aéroport de Toulouse. Un atterrissage forcé suite à deux alertes à la bombe dans ces avions qui devaient rejoindre notre pays. Une alerte confirmée par Belgo Control. Le plan médical d'urgence a été déclenché et les pompiers se sont rendus sur place. Pour le parquet fédéral, la menace était suffisamment grave pour avoir pris de telles mesures. On ne sait pas encore d'où provenaient les avions, même si l'un d'entre eux devrait appartenir à Air Arabia Maroc. Une alerte qui n'a heureusement rien donné. Mauvaise surprise pour un agriculteur de l'église. Au petit matin, il a retrouvé une de ses vaches sauvagement tuée dans une prairie. L'animal a été égorgé avant d'être découpé. Les malfrats tenaient à prélever des morceaux de viande. Les auteurs seraient des connaisseurs puisqu'ils s'en sont pris à la plus grosse vache du troupeau. Une plainte a été déposée. L'éleveur espère que ce fait ne se reproduira pas comme cela avait été le cas il y a 20 ans. À l'étranger, un nouveau mouvement de grève aura lieu dans la journée de jeudi chez les pilotes néerlandais EasyJet. Depuis le mois de juillet, il s'agit du troisième arrêt de travail. Les pilotes réclament une meilleure convention collective, des temps de repos plus longs entre les vols ainsi qu'une pension revalorisée. La compagnie entend néanmoins assurer la moitié de ses vols, mais un certain nombre de routes devra être annulé. En sport, la médaille s'éloigne de plus en plus pour la Belge Evie Van Acker en voile. Après Siri Gates, la Belge se positionne à la 10e place du classement général. Van Acker a annoncé être malade, elle espère pouvoir récupérer afin de remonter dans ce classement. La Belge a terminé 16e et 15e hier lors des 5 et 6e Rigettes. La médaillée de bronze des JO de Londres espère encore accrocher une médaille. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec cette histoire pour le moins étonnante qu'un Chinois a vécue. En voyageant, il s'est vu refuser un extrait de casier judiciaire. La police en a profité pour lui annoncer qu'il était décédé depuis 10 ans. L'homme avait comme objectif d'obtenir un certificat de casier judiciaire vierge pour poser sa candidature à un emploi. Monsieur Chen a également appris qu'il avait été condamné à la peine capitale pour kidnapping. La police a constaté quelques jours plus tard l'erreur d'identité. Elle lui a accordé son précieux certificat. Fun Radio. La Hud prend le contrôle de la radio dans quelques secondes avec Armand Van Elden côté son dance floor ainsi que la belle et talentueuse Ariana Grande. Juste avant, côté météo, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous, Florence? Pas tellement, des éclaircies, mais qui vont se faire très rares avant le retour de quelques nuages. Les températures remontent quelque peu. Elles atteindront les 13 à 19 degrés sur l'ensemble du pays. Le son dance floor continue avec Last Frequency sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. I follow. Mountain high and river low, I follow. On démarre la journée ensemble sur Fun Radio, soyez les bienvenus, 9h06. Ariana Grande, Into You, c'est ce que je vous réserve dans un instant. Le temps d'appeler l'un ou l'une d'entre vous qui avait remporté eh bien, votre PC tablette Acer One 10. C'est ce qu'on va faire dans un instant. Le temps également de vous dire que l'émission est malheureusement terminée, mais on va se retrouver demain entre 6h et 9h avec un thème sur les scouts, puisqu'on va parler scoutisme demain, Coralie. Ah, et c'est un thème qui parle des vacances. Évidemment, il y en a tellement chez nous en Belgique. On fera un peu la différence entre l'un et l'autre. Et puis, si dès maintenant, vous êtes scout ou vous avez envie d'en parler avec nous, eh bien, vous réagissez sur la page Facebook de l'émission. On a Nathalie qui est avec nous, qui a 45 ans et qui habite Grand-Rand. D'accord. Moi, je lis Granarou. Bon, voilà, c'est la belle écriture. Comment ça va, Nathalie, ce matin? Oui, bonjour, ça va? Ça se passe bien? Ça va. Eh bien, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu repars avec ton PC tablette Acer One 10, bravo! Ouais! Ah, merci, c'est super! On t'envoie tout ça à la maison du côté de Grand-Rand. J'espère que tu as passé une excellente journée, puis on te retrouve très bientôt. Oui, merci. Et des bisous, Nathalie, à très bientôt. Coralie, l'émission ça va, continue merci. Dès maintenant sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook de l'émission Summer Fun, venez liker la page, envoyez-nous des messages, on les lira demain dans l'émission. Ou encore sur le Snapchat Fleurus Radio pour voir tous les coulisses. Et quant à nous, on vous retrouve demain évidemment. Mais d'ici là, c'est Lloyd qui débarque sur Fun Radio avec évidemment plein de surprises et meilleur du son dance floor, Lloyd. Exact, jusqu'à 13h, on passe la matinée ici ensemble et vous, on vous retrouve demain. 6h. Dès 6h, d'ici là, faites plein de bêtises et puis excellente journée sur Fun. Nous, on est parti avec Armand Van Elden dans un instant et puis voici Ariana Grande sur Fun, bienvenue. I can barely breathe. This is Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Allez, bienvenue tout le monde sur Fun Radio. C'est Lloyd, très content là de vous retrouver. On passe la matinée ici ensemble hein, jusqu'à 13h. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce jeudi matin. Vos messages, hein. Un seul numéro, le 3044 par SMS pour 50 centimes par envoi. Côté sur Dancefloor pour la suite de Shane Smokers avec l'excellente voix de Daya. Don't Let Me Down, ça arrive juste après ça sur Fun. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. Why don't you hear me?